Moi, mon Dieu, c'est un homme qui n'a ni amour ni âme, qui n'a peur de personne et surtout pas du mélange, c'est un homme et c'est